trotte dans la tête. La porte ouverte et m'enfuir me passe par la tête. La main ouverte et la prendre me semble malhonnête. La phrase toute faite et la dire me trotte dans la tête. Tu ne peux plus saisir.